إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se retrouve encore une fois pour expliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, traduire les paroles de nos savants de la sunna pour faciliter aux francophones, ceux qui ne comprennent pas surtout la langue arabe, de pouvoir comprendre l'essence de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils lisent le Coran, lorsqu'ils méditent ce Coran, ils puissent comprendre l'essence. Et par cela, leur foi va s'augmenter. Naam. Nous en sommes arrivés à Surat al-Buruj. On avait commencé hier. Surat al-Buruj. Et nous sommes dans le cours numéro 15. On s'était arrêté à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد إلى آخر. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, donc le verset numéro 12, la traduction approximative: la riposte de ton Seigneur est redoutable, c'est-à-dire son châtiment, sa vengeance pour les gens des crimes et des grands péchés, pour les criminels, son châtiment est redoutable. Seul Allah subhanahu wa ta'ala en a le savoir. Il demeure aux aguets vis-à-vis des injustes. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Hud verset 102, telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Innahu huwa yubdi huwa yu'id. Certes, lui, c'est lui, certes, qui commence et la refait. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a commencé la création. C'est lui qui commence la création, puis les fait mourir. Puis il a refait le jour de la résurrection de la même manière, sans obstacle ni résistance, par sa puissance et sa capacité parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate les Romains verset 27, et c'est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre, c'est lui le tout-puissant, le sage. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à commencer la création et à la refaire. Et il n'a pas d'associé dans cela. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le pardonneur qui pardonne beaucoup pour celui qui se repent et qu'il demande pardon. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur, clément. Il pardonne le péché de celui qui se repent à lui tout en nu. En toute humilité, quel que soit le péché. En plus de sa miséricorde, il dit le tout affectueux. Il est tout affectueux, c'est-à-dire, comme disent les savants, il aime les repentants. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les repentants. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Naam. Et il a été dit aussi, dans l'explication du le tout affectueux, c'est-à-dire celui qui est aimé, celui qui est aimé. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il aime et il est aimé. Nous les croyants, on l'aime. Naam. Dhul arshi al-majid. Dhul arshi al-majid. Le maître du trône, le tout glorieux. Et ici, il y a deux façons de dire le mot Majid. C'est-à-dire, il y a deux récitations qui sont correctes, qui sont authentiques. Soit il y a le fait qu'on dise Dhul arshi al-majidi. Ça veut dire que donc Dhul arshi, sur le mot al-arsh, il y a une voyelle ici, le son i, la kasra qu'on appelle. Et al-majid, il y a aussi la kasra. Ou soit Dhul arshi al-majidu, avec le son ou. Quelle est la différence entre les deux? Donc, le sens ici du mot Al-Majid est soit une description du trône, d'accord? Dhul Arshi Al-Majid. Soit une description du trône, celui qui possède le trône majestueux. Ou soit, c'est une description d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire celui qui possède le trône, le majestueux. Hein, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux sont corrects. Les deux sont corrects. Donc celui qui possède le trône immense, qui de par son immensité, c'est-à-dire le trône, est plus vaste que les cieux et la terre et le repose-pied. Ces créatures par rapport au trône est comme un anneau qui est jeté dans un désert. Imagine-toi, comment il est immense le trône. C'est la création, yani la créature la plus vaste et la plus grande qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créée. Elle est comme un anneau qui est jeté dans un désert par rapport aux cieux et à la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a spécifiquement mentionné le trône pour son immensité et comme elle a dit, car aussi elle est la créature la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Fa'alun lima yurid. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il veuille, il le fait. Il réalise ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Personne à part Allah subhanahu wa ta'ala ne fait ce qu'il veut. Allah n'est pas tenu de rendre compte de ses actes, car il est le très grand, le tout puissant, le sage et le juste. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, il mentionne ses actions qui prouvent la véracité de ce avec quoi sont venus les messagers. Et il dit « Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud » T'est-il parvenu le récit des armées de Pharaon et de Thamoud? Et ici, on a déjà dit là, t'est-il parvenu? C'est-à-dire, la question ici, c'est pour affirmer. Certes, il t'est parvenu le récit des armées de Pharaon et de Thamoud. Comment ils ont traité de mensonges les envoyés et Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis? Mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir. C'est-à-dire qu'ils persistent dans leur mensonge et dans leur obstination à rejeter la vérité. Les signes ne leur sont pas bénéfiques et les exhortations ne leur sont pas utiles et profitables. Ils sont dans le doute, dans l'incertitude et la mécréance. Wallahu min waraihim muhit. Alors qu'Allah, derrière eux, les cerne de toutes parts. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les cerne par sa force, sa puissance et sa capacité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ton Seigneur demeure aux aguets. Hein? Et il y a dans cela une menace forte pour les mécréants d'un châtiment de celui qui les domine et celui dont ils sont sous le pouvoir. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Mais c'est plutôt un Coran glorifié. C'est-à-dire qu'il y a des sens immenses et vastes et qu'il y a de nombreux biens. Et la science, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le Coran est noble. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit de noble. Et ce n'est pas une poésie ou une sorcellerie comme ont prétendu les associateurs. Fi lawhim mahfouz, préservé sur une tablette. C'est-à-dire écrit dans la tablette gardée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat l'ornement verset 4. Il est auprès de nous, c'est-à-dire le Coran, la table. Il est auprès de nous dans l'écriture mère, Ummul Kitab, sublime et remplie de sagesse. Fin du verset. Préservé sur une tablette. Il est protégé, préservé. Et ceci prouve la grandeur et la majesté du Coran, ainsi que la grande place qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans Surat al-Hijr, verset 9, « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. » Il est protégé de toute falsification, de tout rajout et de diminution, protégé des diables. Et il est dans une table préservée sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit toutes choses. Ainsi se termine. La louange appartient seule à Allah subhanahu wa ta'ala, cette surat, Al-Buruj. Naam. Il y a beaucoup d'autres bénéfices à tirer de cette surat pour celui, inshallah wa ta'ala, qui veut approfondir, qu'il revienne, barakallahu fikum, aux paroles des savants sur l'explication de cette surat. On essaye de faire, yani, une explication simplifiée, même si on aimerait ramener plus de fawaïd, de bénéfices, mais alhamdulillah ala kulli hal. On commence directement, inshallah ou ta'ala, la surat qui vient juste après, et c'est surat At-Tariq. Surat At-Tariq, l'astre nocturne. يقول الله سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الله سبحانه وتعالى nous explique dans cette immense sourate les situations et les états de l'être humain dans sa création, ainsi que sa recréation après la mort, qu'Allah سبحانه وتعالى va le recréer comme il les a créés la première fois. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala par le ciel et par l'astre nocturne. Naam, was-sama'i wat-tariq, par le ciel et par l'astre nocturne. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il jure par ces deux choses. Le ciel et l'astre nocturne. Et comme on l'a vu à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala jure par qui il veut parmi ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne jure pas par une chose sans qu'il y ait une leçon et un bénéfice. Quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par une créature, cela prouve son immensité. Pourquoi ? Car l'immensité de la créature prouve l'immensité du Créateur. Car l'immensité de la créature prouve l'immensité du Créateur. Taïb, quant à la créature, comme on a dit, il ne lui est pas autorisé de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé. Et on a dit que c'était la mécréance ici qui était mineure. Non, naam. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il jure par le ciel, cette immense créature, le toit, le toit du ciel, le toit de la terre, afwan. Il y a dans le ciel des choses étonnantes et des bénéfices pour les gens. Et cela fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il jure par l'astre nocturne. Qu'est-ce que l'astre nocturne ? Allah subhanahu wa ta'ala l'explique par sa parole juste après. Car le Coran, il s'explique par le Coran en premier. Il s'explique par le Coran, et ensuite par la Sunna, et ensuite par les paroles des compagnons, qu'Allah les agrée, et par la langue arabe. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique qu'est-ce que l'astre nocturne. Il dit, « Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne ?» C'est l'étoile vivement brillante. C'est l'étoile vivement brillante. C'est-à-dire l'étoile qui éclaire. Et elle a été appelée « al-thaqib » dans la langue arabe, c'est-à-dire qui éclaire, car par sa lumière, elle transperce l'obscurité. Elle transperce les cieux jusqu'à apparaître sur terre, dans la nuit. Et ce qui est correct ici, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, « Al-Najmu », c'est-à-dire l'étoile, ce sont toutes les étoiles. Signifie l'ensemble des étoiles brillantes. Naam. Et les savants disent aussi qu'elle a été appelée « Al-Thaqib », hein, l'étoile, elle a été appelée « Al-Thaqib », c'est-à-dire qui éclaire, hein, car elle frappe les djinns et les diables, et elle les brûle, puis les rejette du ciel, afin que les shayatins, c'est-à-dire les diables, ne parviennent pas à écouter, à dérober des choses dans le ciel, parmi la révélation et ou autre. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate la royauté, Al-Mulk, verset 5, « Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider des diables. » Donc parmi ces bénéfices, il y a le fait qu'elle soit un moyen pour guider les gens, c'est-à-dire les orienter dans la nuit, car les étoiles sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prouvent la capacité parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala et son immensité. Donc non seulement parmi ses bénéfices, hein, ce sont des projectiles pour lapider des diables, et ce sont aussi des moyens pour guider les gens, c'est-à-dire les orienter dans la nuit. Et elles ont été aussi créées pour embellir le ciel. Tous ces signes sont l'un des plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela prouve, hein, la capacité parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala et son immensité parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite montre ce pourquoi il a juré. Il dit « In kullu nafsin lamma alayha hafiz » Il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien. C'est-à-dire que toutes les âmes, comme on a vu auparavant, des enfants d'Adam, chaque âme a sur elle un gardien qui enregistre et écrit les actes, qu'elles soient bons ou mauvais. Et elle sera rétribuée selon ses actes inscrits. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. » Comme on avait vu dans Sourate Al-Infitar, la rupture. Tout est noté. Que ce soit apparent, comme parole ou action, ou que ce soit caché. C'est-à-dire ce qui est dans le cœur. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Qaf, versets 16 à 17, « Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire, quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent. Ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. » Donc ici, ce sont les anges qui surveillent les actions. Mais comme disent les savants, et comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, il y a d'autres anges qui protègent l'homme par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala du mal. Ces anges protègent l'être humain du mal par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il nous dit dans Sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 11, il a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Naam. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. C'est-à-dire que chaque être humain médite avec clairvoyance de quoi il a été créé. Qu'il médite sur sa création et le commencement de sa création. L'homme est une créature. L'homme est une créature. présent après ne pas l'avoir été. Il n'était même pas mentionnable. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. A-t-il été créé de fer ou d'acier ? Ou d'une chose dure et forte ? Qu'il médite de quelle matière il a été créé. Allah ici, il attire l'attention de l'homme, de l'être humain, sur sa création, pour lui rappeler la faiblesse de son origine. Qu'il a été créé de choses faibles, et qu'il est faible. Qu'il médite cet homme, ce mécréant, notamment, qui traite de mensonge la résurrection après la mort, celui qui renie la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire revivre les morts. Car celui qui est capable de commencer la création, n'est-il pas capable de la refaire ? Certes, il est capable de la refaire. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est plus facile. De quoi il a été créé ? Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de cela dans le verset suivant et il dit خُلِقَ مِمْ مَاءٍ دَافِقٍ. Il a été créé d'une giclée d'eau, c'est-à-dire d'une goutte de sperme, comme on avait vu. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit, cette giclée d'eau, dans d'autres versets comme une eau vile, faible. Voilà comment l'être humain a été créé. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que malgré cela, que l'être humain il a été créé d'une eau vile, faible, d'une chose faible, le cœur de l'homme devient plus dur que la pierre. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala montre d'où vient cette giclée d'eau, d'où elle vient. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ, sorti d'entre les lombes et les côtes. Sorti d'entre les lombes et les côtes. Mais on va le voir ici que la traduction qui convient, wallahu a'lam, c'est les pectoraux, au niveau de la poitrine. Et il y a une divergence des savants sur le sens de ce verset, c'est-à-dire sorti d'entre les lombes et les côtes. Et Cheikh Sa'di nous dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit ici, il se peut que le sens, c'est sorti d'entre les lombes de l'homme et la poitrine de la femme, c'est-à-dire ses seins. Donc ça, c'est le premier sens qui a été dit. Et il se peut aussi que le sens de la giclée d'eau, c'est le sperme de l'homme seulement. C'est-à-dire que il est sorti d'entre les lombes de l'homme et de ses pectoraux. Et de ses pectoraux, c'est-à-dire sa poitrine. Et il dit que cela est plus juste. Ce sens-là est plus juste. Wallahu a'lam. Pourquoi ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité comme cela. Il l'a décrit comme cela. Une giclée d'eau. Naam. Et الذي يحس بي ويشاهد دفقة, car il ressent et il observe ce jaillissement, c'est-à-dire le sperme de l'homme. Il dit aussi, il ramène une faïda ici, il ramène un bénéfice dans la langue arabe. Il dit que le mot at-tara'ib, qu'ils ont traduit par les côtes, on a dit que nous c'était la poitrine, donc les pectoraux ou les seins de la femme. Il dit que at-tara'ib, il est utilisé pour l'homme. Il est utilisé pour l'homme. Car les pectoraux de l'homme sont en comparaison avec les seins de la femme. C'est-à-dire qu'elles sont au même endroit, au niveau de la poitrine. Et si on aurait voulu dire ici que c'était de la femme aussi, on aurait dit min bayni sulbi. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait dit min bayni sulbi wa thadiyain, c'est-à-dire entre les lombes de l'homme et les deux seins de la femme. Et il dit après wallahu a'lam. Il dit et Allah est plus savant. Et les lombes, pour bien comprendre, les lombes, hein, c'est la région postérieure de l'abdomen, hein, située de chaque côté de la colonne vertébrale. Wallahu a'lam. Tayyib, ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous montre d'où vient cette giclée d'eau. Il dit sortie d'entre les lombes et les poitrines donc, de l'homme ou de la femme. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, إنه على رجعه لقادر. Allah est certes capable de le ressusciter. Celui qui a créé l'être humain d'une giclée d'eau, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire cette giclée d'eau qui sort de cet endroit difficile, est certes capable de le faire revenir dans l'au-delà, c'est-à-dire de le ressusciter le jour de la résurrection. Celui qui est capable de commencer la création, à plus forte raison, il est capable de la refaire le jour de la résurrection. Et certes, les mécréants, comme on a vu, ont trouvé cela improbable, impossible. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, « Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?» dit « Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie et il se connaît parfaitement à toute création. » يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرِ Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, c'est-à-dire le jour où sera dévoilé le secret des poitrines, tout ce qu'il y avait dans les cœurs, comme bien ou mal, apparaîtra sur les visages, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront. Et dans cette vie d'ici-bas, beaucoup de choses sont cachées et n'apparaissent pas aux yeux des gens. Il se peut que cette personne, elle apparaît que c'est un croyant, mais en vérité, c'est un hypocrite. Il se peut que cette personne soit quelqu'un auprès des gens, un obéissant, mais en vérité, c'est un pervers. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Mais ce jour-là, le jour du jugement, la bonté des gens bons et la perversité des pervers deviendront des choses rendues publiques. Tout sera dévoilé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate les Coursiers, versets 9 et 10, ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est... Afwan. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, dit... Que vous cachiez ce qui est dans votre poitrine, dans vos poitrines, ou bien vous le divulguiez, Allah sait. Il sait tout ce qui se trouve. Il sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est omnipotent. Na. Fama lahu min quwwatin wa la nasir. Il n'aura alors... Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment sera l'état justement de l'homme à ce moment-là, jour 2 du jugement. Hein? À ce moment-là, le verset qu'on a précédé, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Comment il sera la personne, l'être humain? C'est-à-dire qu'il n'aura ni force intérieure. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'aura alors ni force ni secoureur. Il n'aura alors ni force ni secoureur. C'est-à-dire qu'il n'aura ni force intérieure pour se défendre. Et ni secoureur, c'est-à-dire une force extérieure qui viendrait le secourir. Non seulement il ne pourra pas secourir sa personne, sa propre personne, et en plus personne ne pourra le secourir parmi ses proches, même parmi les plus aimés, comme on avait vu. يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses enfants. Car chacun sera préoccupé par sa propre personne. Dans cette vie d'ici-bas, ils s'interrogent les uns des autres et ils se protègent. Mais le jour du jugement, il n'y aura pas de proche qui lui sera bénéfique. Wallahu al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, et il jure ensuite une deuxième fois. Il dit, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجَعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ Il dit Allah subhanahu wa ta'ala par le ciel qui fait revenir la pluie et par la terre qui se fend. Et par la terre qui se fend. C'est-à-dire que le ciel qui apporte la pluie chaque année et se répète, et que la terre se fend pour les plantes, car la terre est remplie de grains, et lorsque la pluie descend sur la terre, ces grains poussent et germent, et elles sortent de la terre. Et il en est de même pour la terre qui est remplie de mort. Le jour de la résurrection, elle sera remplie de mort. Et lorsque la résurrection arrive, elle est comparable à la pluie qui vient sur la terre, lorsque la résurrection arrive, ils sortent de leur tombe comme sortent les plantes de la terre. À la base, le grain, il est mort, enterré dans la terre. Lorsque elle ressent la pluie, lorsque la pluie arrive, elle s'agite et fait pousser. Elle sort les racines vers le bas. Ensuite, les feuilles et les branches vers le haut. Allah subhanahu wa ta'ala a fait ressusciter cette terre et ses grains après la mort. Ainsi est l'être humain. Il est plongé dans la terre. Il est mort en dessous de la terre. Et il devient poussière. Et il devient poussière. Comme il est venu dans un hadith authentique, d'après Abu Huraira, qu'Allah le gris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la traduction approximative, entre les deux souffles du clairon, de la trompe, il y aura une période de 40. Ils dirent, oh Abu Huraira, est-ce 40 jours? Il dit, j'ai refusé. C'est-à-dire, il n'a pas répondu. Ils dirent, est-ce 40 mois? Il dit, j'ai refusé. Hein, il a refusé de demander au messager d'Allah. Il dit, ensuite Abu Huraira, tout le corps de l'homme sera mangé par la terre, sauf la tête de son, hein, qu'on appelle, je ne sais pas si je le prononce bien, coccyx, ou coccyx, je ne sais pas exactement. Il dit, c'est à partir de cet os que se crée l'homme. Hein, ce qu'on appelle en langue arabe, ajbu al-dhanab. Naam. Donc c'est cet os hein, que se crée l'homme. Puis Allah subhanahu wa ta'ala fera descendre du ciel une eau et les hommes repousseront de nouveau comme pousse la verdure, les plantes. Hein, le jour du jugement. Il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala Innahu la qawlun fasl. Ceci est certes une parole décisive. Ceci, c'est le Coran. C'est une parole décisive, c'est-à-dire une parole vraie et véridique, claire et évidente. Le Coran qui tranche entre le vrai et le faux, entre la vérité et le mensonge, entre le sérieux et la plaisanterie, entre les pieux et les injustes. Et non point une plaisanterie frivole. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. Le Coran n'est point une plaisanterie frivole. C'est une parole sérieuse, loin d'être le contraire, une plaisanterie. C'est la parole qui juge entre les groupes et les paroles des gens. C'est par le Coran que les disputes sont jugées. Ce n'est pas des contes ou des feuilletons ou des romans, comme ils l'appellent aujourd'hui. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le noble Coran. C'est une parole véridique et sérieuse. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va montrer ici l'état des mécréants avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment ils étaient, et ainsi avec le Coran. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Innahum yakiduna kaida, wa akidu kaida, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. » Ils se servent d'une ruse, c'est-à-dire ceux qui démentent, les mécréants, ceux qui démentent le Coran, ceux qui démentent le messager, ceux qui démentent le jour de la résurrection. Ils se servent d'une ruse afin de repousser par leur ruse la vérité. Et par cette ruse, ils appuient le faux. Ils appuient le faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa akidu kaida. » Et moi aussi je me sers de mon plan. Je ruse. C'est pourquoi? Pour montrer la vérité. que n'en déplaise aux non-musulmans, afin de rejeter ce qu'ils ont apporté comme faux, et afin que l'on sache qui est le vainqueur, car l'être humain est bien trop faible et bien trop vil pour avoir la victoire sur le Tout-Puissant, celui qui a la science de toutes choses dans sa ruse. Et cela à titre de rétribution et contrepartie. Allah subhanahu wa ta'ala ruse pour celui qui est injuste envers les gens et qui outrepasse les limites. Wallahu al-musta'an. Famahil al-kafirina amhilhum ruwaida. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le dernier verset, accorde, il s'adresse au prophète, accorde donc un délai aux infidèles, accorde-leur un court délai. C'est-à-dire un petit délai. Accorde-leur un petit délai, car ils connaîtront la finalité de leurs affaires lorsque le châtiment descendra sur eux. Non. Donc, il ne faut pas être étonné qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, il ne se précipite pas pour les châtier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il leur accorde un délai pour les châtier encore plus. Le châtiment sera plus intense. Et c'est pour ça qu'il a dit « Amhilhum ruwaida » « Accorde-leur un court délai. » Naam. « Hada wallahu a'lam » « Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in » Ainsi se termine cette sourate, hein, sourate At-Tariq, l'astre nocturne. « Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk » جزاكم الله خيرا وبارك فيكم et on se retrouve inshallah ta'ala demain pour le prochain cours avec sourate al-a'la. Naam. Prochain cours inshallah ta'ala ce soir à 22h avec notre frère bien-aimé Youssouf Abu Abdelrazzaq sur les paraboles du Coran. Naam.